Cette semaine, Maxime Soriol vient nous parler de son projet photo, de combien de résolutions avez-vous vraiment besoin et comment trouver ceux qui utilisent vos photos sans permission sur Internet. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 74. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de mes collaborateurs habituels, François Blanchette. Salut. Christian Jarry. Salut. Et notre invité, Maxime Soriol. Bonjour. Salut. Alors, messieurs, tour de table habituel, qu'est-ce que vous avez fait comme photo récemment, Christian? Rien. Bruit de grillon. Ça ressemble à ça, oui. Non, malheureusement, mon appareil photo accumule un peu de poussière, je dois dire, récemment. Mm-hmm. Moi, je connais bien des auditeurs qui s'en serviraient. Ton appareil, ton là, à t'écouter parler, tu fais jamais une photo avec. Avec ta 85 mm. Bon, oui, avec ta 85 mm. C'est une situation temporaire. Là. Ben c'est oui. Beaucoup de travaux à maison, beaucoup d'affaires à la famille, etc. Prends des photos de tes travaux. L'avant, l'après, le pendant, non? Non, ah, okay. C'est pas le genre de travaux qui est intéressant à prendre en photo. Ah, OK. Malheureusement. Il a juste ouvert les murs, câblés pour le réseau, pour les haut-parleurs, ouais. Mais c'est pas intéressant. C'est dur non, c'est à... le travail sur son couple, c'est dur à prendre en photo. Ça aussi. On salue la conjointe à Christian. Oui, tout à fait. Alors, bon, ben, c'est pas grave, tu te reprendras au prochain épisode. Faudrait, hein? Ouais, ouais. François, de ton côté? Oui, si tu veux pas te faire achaler encore comme ça. Oui, c'est sûr. Non, mais dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, je vais avoir un show. Il devrait avoir des photos au moins de ça. Ah, parfait. Moi, ce que j'ai fait dernièrement, en fait, j'ai pas fait de photos professionnellement parlant, mais j'ai fait... j'avais un éclairage à faire pour des tests caméra, finalement. Mm-hmm. Pour une nouvelle émission sur laquelle je vais travailler. Puis j'avais besoin de quelqu'un pour faire un setup d'entrevue. J'avais besoin d'une autre personne, mais j'étais seul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris en photo selfie style à la position où je devais être éclairé. Et avais-tu un selfie stick? Non. Parce que c'est la mode. Mon bras... quand même assez long. Un pas pire de selfie stick. Fait que c'est ça. J'ai pris le organic selfie stick et je me suis placé aux deux positions de l'entrevue. Mm-hmm. J'ai envoyé ça au réalisateur. J'ai dit, tiens, regarde, voici tes deux positions d'éclairage. C'est ça que ça va donner une fois qu'on va être en onde. Fait que voilà. C'est ça que j'ai fait comme projet photo. Bon. Puis je me suis dit, ben coudonc, tu sais, on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est niaiseux, mais la petite... c'est pas nouveau, mais juste de mettre la caméra en... Moi, je fais jamais ça, de la mettre en mode selfie. En mode selfie, non, c'est fait ça. Que, non. Mais, fait que pour moi, c'était comme, ah, ben tu sais, c'est pratique. Mm. Écoute, tout le monde sert de ça, puis moi, je suis là, regarde ça, comment c'est pratique. Regarde le vieux. C'est pas bien fait, hein? Eh oui, ma génération qui parle. Ben oui, c'est bonsoir, ça. Bonsoir, tout le monde. De mon côté, on va en arriver à Maxime après, mais de mon côté, moi, j'ai photographié l'exposition Game On au Centre des sciences de Montréal, une exposition sur l'histoire du jeu vidéo. Donc, je suis allé au lancement de cette exposition-là, fort intéressante, soit dit en passant, si vous êtes le moindrement amateur de jeux vidéo, mm-hmm. ou vous y avez toute la famille, si vous y avez joué dans votre jeunesse, là, il y a vraiment toutes les consoles, il y a des bornes d'arcade, j'ai joué à Galaga, j'ai joué à plein de trucs, donc c'était vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est Denis Talbot, le porte-parole, qu'on salue en passant, Julie Payette, qui est directrice du Centre des sciences, puis il y avait Yanis Mala aussi, président-directeur général d'Ubisoft Montréal, Ubisoft qui ont réalisé une grande murale à l'entrée de l'exposition. C'est vraiment superbe. Ça parle des étapes de la conception d'un jeu vidéo et tout ça, de la production. Et c'est fait avec des images d'Assassin's Creed et tout ça, là, leur franchise vedette. Mm-hmm. Donc, fort intéressant. J'ai pris pas mal de photos. Si vous pensez prendre des photos, par contre, armez-vous d'un flash à la limite, mais ça prend un bon appareil parce que c'est assez sombre. Ouais, ouais. J'en doute pas. Voilà. Ah, il y a même, c'est ça, des jeux comme Simon, le je jeu de mémoire. De baseball de Grand Theft Auto. Oui, ben c'est qu'il n'y a aucun jeu violent dans l'exposition auquel on peut jouer. Okay. Donc, ils ont mis des artefacts de certains jeux, dont Grand Theft Auto 3, il y a une batte de baseball, donc qui est l'arme de prédilection de Benoît Gagnon, qu'on salue en passant. Allez, salut Benoît! Il va l'utiliser sur toi la prochaine fois, tu le sais. Hein? Oui, ben c'est pour ça que je le salue poliment. Okay, j'essaie de m'en sauver. Ben voilà, donc exposition très intéressante que je recommande à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Jusqu'à quand? Et c'est jusqu'en septembre, je crois. Est-ce je pense c'est là assez longtemps. Okay. Donc au Centre des sciences de Montréal, dans le Vieux-Port. Et on a Maxime Sauriol comme invité. Maxime, de qui on a parlé à quelques reprises dans les épisodes précédents, parce que Maxime fait de la photo principalement sur Instagram avec son smartphone, mm-hmm. et il fait de la fichue de belles photos. Donc là, je lui ai dit, Maxime, il faut que tu viennes sur l'émission parler de ta photo. Puis là, je vais vous laisser en parler parce qu'il a dit, ça tombe bien. Parle-nous un peu justement... C'est arrivé par hasard ou t'as commencé vraiment, tu t'es dit, Instagram, il y a des filtres, le format se prête bien, je sais pas. Comment c'est arrivé? Juste un peu avant d'arriver à Instagram, juste pour dire, moi, j'ai aucun appareil photo. J'ai peut-être un petit numérique à la maison que j'ai eu, genre acheté à 60$, 70$, que j'ai eu à Noël. J'ai déjà eu deux Nikon, vu que j'avais un que j'avais comme hérité de mes parents, ils sont pas morts, là, mais je veux dire, ils n'utilisaient plus. Avec un beau sac jaune début des années 80, il y avait une coupe d'objectifs qui était assez bien. Mm-hmm. J'avais acheté aussi un autre Nikon à un oncle, du côté de mon père, son 11 enfants, okay. Donc il y a pas mal d'oncles qui tendent dans le bar et tout. Donc tu avais déjà fait de la photo avant. Là. Mais j'étais pas mal bien équipé. Mm-hmm. J'ai jamais vraiment utilisé, j'avais pas vraiment d'argent pour le Kodak, j'avais pas vraiment. Bon, j'avais d'intérêt, peut-être le temps, peut-être l'intérêt. Mm-hmm. Un peu la peur avec le film, aussi la pellicule, que ça sort mal, un peu de tout. Un peu encombrant aussi, j'imagine. Ouais, mais là, c'était quand même deux, il n'y a pas de lentilles et tout, ça peut-être pas encombrant. Je trouve que c'est encombrant, comme avec Instagram, qu'est-ce qui est bien, c'est que le téléphone est dans ta poche. Exactement. Tu sors, t'as pas besoin de traîner, tu peux prendre un peu tout en photo sans te faire déranger vraiment. Mm-hmm. Donc ça, c'est déjà assez bien comparé à l'autre. Alors, juste pour dire que j'ai donné à mon oncle, parce que ma tante avait le cancer de quelque chose, je ne sais plus c'est quoi exactement, puis ça faisait peut-être 3 ans qu'elle suivait les traitements, puis ça marchait malheureusement pas, c'était sans la pérille quasiment. Donc, il a arrêté les affaires, puis mon oncle voulait me l'emprunter pour faire les portraits, le plus de portraits possible de ma tante. Mm. Puis donc, j'ai dû garder, ça fait comme 2, 3, 4 ans que j'ai comme pas touché tout la cause de poussière, donc... Regardez, je suppose. Il y a eu le temps de faire beaucoup de portraits pendant le temps, mais mm-hmm. j'ai pas vu les résultats ou quoi. Mm. Ouais. Mais bon. Mais sinon, ouais. Donc, t'avais déjà touché à des appareils avant, mais il y a l'aspect pratique d'un smartphone, donc compact, que t'as toujours sur toi, puis c'est là que tu t'es mis à faire de la photo. Premièrement, mon travail, c'est spécialiste de vidéo véro, donc je recherche ça pour l'émission vlog. J'écoute environ 40 heures de vidéos par semaine. Mm-hmm. Puis entre autres, donc... C'est bon. 40 heures. Dans 40 heures, il y a peut-être 39 heures de fouet-fouet, là, mais... Oui, non, je m'en doute. C'est quand même le fun pas mal. Ouais. Mais une des affaires dans le métier, c'est qu'il encourage d'être sur les réseaux sociaux. Puis aussi, c'est un peu comme les critiques de cinéma qui critiquent le cinéma sans en faire ou quoi. Mm-hmm. Donc c'est sûr que faire une vidéo, ça prend un certain temps, le temps d'écrire et tout. Donc, je me disais qu'avec Instagram, je suis un peu abonné en niaisant avec des collègues, ce serait un peu long à compter. Puis après ça, j'étais à Toronto, comme je suis souvent, puis j'ai pris une couple de photos, puis j'aimais ça. Là, j'étais tout seul, donc j'ai eu la piqûre. Puis en même temps, donc, comme que ce soit sur une présence sur les réseaux sociaux, donc Instagram, même si pour les vidéos véro, même pour plein d'affaires, ça, c'est rarement viral. Mm-hmm. Puis en même temps, ça me permet de faire un peu... un peu d'art, mettons, un peu de photos. Ben, tout à fait. Ouais, sérieusement, je regarde tes photos que tu prends des fois, là, puis même moi, je suis impressionné de voir, comment je pourrais dire, les twists que tu arrives à donner. On en a parlé, je sais quoi, le dernier ou avant-dernier épisode, des réflexions, tout ça, c'était super intéressant ce que mm-hmm. tu as fait, vraiment. Là. Ouais, moi, c'est là que j'ai remarqué, c'est dans ton travail avec les réflexions, parce que on a tout un petit peu touché à ça, mais toi, tu as vraiment une attention, tu sais, tu portes une attention à la façon que c'est cadré, tout ça. Je suis sûr que ça fait pas juste en 10 secondes ta photo. Là, ça se voit là, que ta place assez bien. Peut-être que tu en as eu des belles, que ça c'était évident, mais on voit d'autres qu'il a vraiment fait attention à l'angle. Parce que ce qui est vraiment... Si c'est pas le cas, t'es chanceux à ta barbe. Il y a quelques petits coups de chance. C'est clair, mais là, non, ça se voit qu'il y a du travail. Puis ce que les téléphones intelligents ont apporté à la photo avec réflexion, c'est que la caméra est tellement près du coin de l'appareil. Mm-hmm. C'est facile de se mettre tout près de la flaque d'eau ou de la surface réfléchissante, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avec d'autres appareils avant. Il y avait des façons, mais c'était dans certaines situations. Puis, avec l'avènement du smartphone et la caméra tout près, ben là, ça permet de le faire facilement, mais ça prend l'œil. Oui. C'est pas tout ouais. d'être non, capable non, de le faire. Ça prend l'œil artistique. Oui, c'est très bon. La composition. Là. Ben, souvent, le monde en photo, tout le monde est capable de faire des photos, selon moi. Juste qu'il, mettons qu'il veut prendre une photo de Christian, mettons qu'il prend le Kodak, il voit Christian dans le Kodak, il pèse sur pause, il pense pas, il regarde pas plus, c'est juste que je prends le temps. J'ai eu des cours de cinéma, donc j'ai eu des cours un peu de comment structurer en image. Cadrage, etc. Ouais, donc je consomme des vidéos, donc c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui sont filmés amateurs, mais à longueur de semaine, je vois des images non-stop. Tu vois les erreurs que les gens font, fait que toi, tu te dis, tu y penses peut-être plus. Ouais, puis je marche aussi parce que je suis devant l'ordi peut-être 50 heures semaine, donc j'habite sur le plateau. Je marche pour aller partout pour dégourdir, donc à part l'hiver. Là. Je marche l'hiver aussi, mais je prends pas vraiment de photos parce que les doigts gèlent assez vite. Là. Donc c'est ça, puis en même temps aussi, ça permet de me démarquer un peu. Oui. Parce qu'entre autres, je commençais à faire pour les vidéos Véro à bloguer un peu par hasard avec les mystérieux étonnants. Après ça, j'ai fait Cabweb, qui est comme un tout.tv indépendant, j'ai de télé maintenant avec vlog. Avant, il n'y a personne qui faisait des vidéos Véro, qui était un spécialiste en quelque sorte. Il y a quelques personnes, donc c'est un moyen de me démarquer. Puis là, encore une fois, je trouve que c'est un moyen un peu de me démarquer parce que je le mets tout le temps sur Facebook, puis le monde sur le feed avec les nouvelles de l'heure et tout. Puis là, une photo tout d'un coup, donc je ressors un peu. Puis il y a plusieurs personnes qui sont allées dans les médias, donc ça permet en même temps de ressortir, puis avec les commentaires en même temps aussi, ça encourage, ça me pousse un peu, là, juste, avant j'en faisais un petit peu trop peut-être, là, peut-être plus quantité que qualité, là, j'essayais un peu plus le contraire, mais avec un téléphone c'est jamais parfait. Là. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que, en tout cas je suis pas pour vous, mais moi, on est tous un peu passés par là, la quantité versus la qualité. Quand on était au début, quand j'ai eu ma DSLR, une soirée entre amis avec des enfants, 150-200 photos, là, c'était fréquent. Là. Je faisais tout le temps ça. Là, puis on dirait qu'avec le temps, ça a descendu. Bon, là, je tombe à zéro. Là, tu ne l'apportes plus. Non, tu regardes, je l'ai dit avant que tu le dises. Mais sans blague, je veux dire, j'en fais quand même beaucoup moins que j'en faisais pour un résultat similaire. Oui, je sais, mais moi aussi, j'ai fait pareil. Hein. J'apportais mon appareil photo chez des amis communs, François et moi, à un moment donné. Puis là, après un certain temps, tu l'apportes, mais tu ne le sors pas. Puis à un moment donné, tu dis, bon, ben la dernière fois, je m'en suis pas servi, je l'apporte pas. Donc, tu viens que tu prends moins le temps de faire de la photo, pour, en tout cas dans certains cas. Là, mais je continue toujours l'apporter avec moi. Dès que je sors de la ville, disons, ou si je vais en ville pour quelque chose, ben je vais l'apporter au cas. Mais bon, aller chez des gens, là, je l'apporte plus vraiment. Là, mais c'est plutôt rare. Ce qui est l'avantage du téléphone, justement. Voilà. Tu l'as toujours sur toi. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que tu as beaucoup de limites avec un téléphone. Donc, tu peux pas faire grand-chose. Il n'y a pas vraiment de focus. Il n'y a pas vraiment de ci. Il n'y a pas vraiment de ça. Faut que tu travailles avec ce que tu as. Ouais, c'est ça. Mais j'aime toujours mieux quand c'est un cadre régie, un cadre restreint. Ça t'amène. Souvent, le monde me dit « Ah, j'ai fait le film, mettons, mon film avec 7 millions ou de 15 millions, un petit film de science-fiction. » Puis ils disent « Ah, ça nous a aider à pousser à aller plus loin, à travailler encore plus l'histoire pour pouvoir faire mieux. » C'est vrai. Donc, je trouve qu'avec un téléphone, c'est un peu la même affaire. Ouais. Puis aussi, tu es moins frustré parce que ta photo est jamais parfaite. Elle peut être très bonne, oui. Oui. Mais elle peut être jamais parfaite, tandis qu'avec un Kodak, tu as le temps de vraiment focusser, mettre le zoom avec ci, avec ça. C'est sûr que tu l'aimes jamais ta photo, même avec un Kodak, mais... Ouais, mais je trouve quand mettons tu as beaucoup de luminosité que tu as le temps de prendre ta photo, le résultat d'un appareil photo maintenant d'un téléphone est presque similaire à celui d'un appareil photo, tu mettons de moyenne gamme. Là, on n'ira pas au haut de gamme, mais tiens, un moyenne gamme, je trouve que je regardais certaines des photos que j'ai prises avec moi j'ai rien qu'un 5S, puis tabarnouche, j'ai été surpris du résultat à l'occasion des fois. Qu'est-ce que tu es capable d'avoir? Mais, comme je dis, il faut qu'il fasse soleil. Il faut que tu sois dans des conditions potables. Faut pas que tu bouges. C'est sûr que tu es limité par rapport à ça, mais la qualité, elle peut quand même être là malgré tout. C'est ça que je trouve qui est quand même intéressant. Ben c'est ça. Dès que tu as assez de lumière, ça facilite beaucoup les choses. Oui. Ça, la nuit, on peut pas faire vraiment de photos avec un téléphone. Ce qui est triste d'un sens, parce qu'il y a tellement d'opportunités souvent la nuit de faire des belles photos, ça des affaires bien. Intéressantes. Oh, ça va venir. Il y en a qui travaillent fort là-dessus. Mm-hmm. Oui, c'est clair. Là. Ouais. Regardez les appareils photos, je veux dire, je regarde ma 7D que j'ai payé une fortune, puis je regarde les petits appareils photos qui valent un cinquième de ce que moi j'ai payé, puis que l'ISO est meilleur que ce que j'ai. Tu te dis, bon, ça a progressé. Oui, oui. Mais pour en revenir vite, je fais une dernière parenthèse. J'ai fait quelques photos aussi avec Instagram récemment, rien de bien fancy, mais une autre contrainte que j'ai trouvée intéressante, par contre, c'est le format carré. Oui. C'est pas facile à travailler au début. Quand tu es habitué à avoir large, moi, je suis habitué à faire des photos souvent en mode portrait. Puis là, oh, ouais, là, avec Instagram, c'est carré. Là, il faut que tu changes un peu la façon que tu fonctionnes avec, quoi, tu réfléchisses avec. Des fois, c'est contraignant même. Là, je trouve ça dur à l'occasion. Ça m'a pris pas mal de temps, moi, personnellement. Même la règle des tiers, ça marche encore, mais plus ou moins, c'est pas pareil, ouais. Ça, mais ça vient comme un peu les bons vieux Polaroid, je pense que c'était les Kodak. Il y avait une affaire de Kodak aussi qui était carré dans le temps. Ça se peut. Le médium format. Peut-être, je ne me souviens plus du nom, ou film de Javier Dolan, ou ouais. Dans le temps et tout, mais ça prend un certain temps, mais c'est un autre des contraintes en plus qui t'amène. Puis après ça, j'imagine, comme je dis, moi je fais pas de photos rectangulaires, quelquefois bien rapides, mettons quelque chose de beau dans une vitrine ou quoi, que je garde en mémoire. Mais j'imagine qu'après ça, ta photo, elle doit être traditionnelle, normale, rectangle, doit être... Différente. Mais c'est qu'il faut que tu t'adaptes. Oui, probablement. C'est possible. Faut que tu t'adaptes, c'est ça. Un bon photographe, c'est s'adapter aux situations. Ben merci beaucoup, Maxime. Super intéressant. Puis, ça fait plaisir. Tu te gênes pas si tu veux participer dans le reste de l'émission. Parfait. On va passer un petit bloc nouvelle. Christian, toi, tu as une nouvelle au sujet d'un objectif. Un objectif, j'hésite à utiliser le mot mythique, mais c'est un peu ça, là. C'est le fameux objectif 50 mm 1.8 de Canon. Ben, c'est un classique à tout le moins. C'est un classique tout au moins, ça, c'est clair. Cette année, Canon a décidé de le remplacer. Oh. On a une nouvelle version. Assez intéressant, d'ailleurs. C'est sûr que faut pas vous attendre à avoir quelque chose de très, très différent. Dans les avantages, c'est on rajoute le moteur STM, utile pour ceux qui veulent faire du vidéo. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'en ai plus, comme j'en ai déjà dit, de 50 mm, mais j'étais intéressé à racheter, mais depuis quelques années, ils ont enlevé la bague de métal. Okay. Ils avaient remis ça en plastique pour descendre les coups. Ah. Et, bonne nouvelle, ils ont décidé de remettre le métal. C'est quand même... Tu sais, je veux dire, beaucoup de monde dirait « Bon, ça change pas grand-chose. » Ben, oui, ça change quelque chose. Parce que si tu manipules ton objectif de façon un petit peu trop dure avec... Tu sais, en le laissant coller, ben, ça se peut que ça casse. Mm-hmm. Ça reste quand même bien juste du plastique. Ouais. Avec le temps, tout ça, l'usure... En tout cas, disons que j'étais un petit peu sceptique du plastique. Maintenant, ils ont décidé de retourner avec le métal. Fait que... Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Bien entendu, bon, faut pas s'attendre à voir la qualité de, mettons, comme celle qu'on avait déjà vue, là, la Sigma Art, là, qui vaut, quoi, 800-900$. Ben, c'est ça, on n'est pas dans la même catégorie. C'est pas la même gamme, là. Non, c'est ça, là. On parle d'un objectif, là, qui est 125-150$, là. Fait que c'est quand même très raisonnable. Il n'a pas beaucoup augmenté, à ce que j'ai pu comprendre. J'ai pas réussi à trouver le prix exact canadien, mais c'est à peu près ça, là, 125-150$. Fait que si ça a augmenté, c'est minimal. Fait que ça a l'air, tu sais, c'est le même modus d'objectif qu'on a eu depuis longtemps, mais il semble-t-il que la qualité est un petit peu mieux qu'elle était. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un bonus. Fait que j'ai hâte de voir, là. Je vais peut-être essayer de trouver le moyen d'avoir un objectif de même éventuellement. Ben, à part la durabilité, est-ce qu'il y a vraiment une différence côté photo avec que ce soit en métal ou en plastique, ça reste que non, c'est la lentille, pour ça, non. C'est vraiment juste la bague où, dans le fond, c'est une question de solidité. C'est à long terme. Veux pas, ben, surtout si t'as. Mettons que si tu changes jamais ton objectif sur ton appareil photo, je te dirais que ton potentiel que ça brise est probablement faible. C'est ça, c'est plus pour quand tu le tournes dans la monture, là, si tu veux, là, c'est là que tu risques de faire une pression sur l'objectif, puis si c'est juste en plastique, ça va peut-être s'user plus vite. Mais sinon, ben, c'est ça, la seule amélioration qu'il y aurait, c'est la mise au point STM, qui est plus douce, si on veut. Mais C'est pas mal ça. Ah. Ouais, c'est pas mal ça. Bon. Fait que, regarde, c'est intriguant. C'est le fun. Je trouve ça bien quand même qu'au moins, on nous offre des nouvelles options. Mm-hmm. Mais il n'y a pas... C'est pas... Disons que c'est une belle nouvelle, sans plus. Parfait. Merci. François, toi aussi, tu as une nouvelle sur un objectif. Ben oui, je vous avais déjà parlé des Samyang, de mm-hmm. Rokinon. Ouais. Je vous avais dit que j'en avais une moi-même aussi. J'ai une 8 mm. Ouais. Ben, il décide d'en sortir une nouvelle. C'est une 100 mm f2.8 macro. Oh. C'est un peu comme la... J'imagine qu'ils veulent concurrencer celle de Canon, qui est pas mal toute seule, je pense, dans ce créneau-là. Il y en a peut-être dans d'autres marques, mais bon, c'est assez... Tu sais, c'est un objectif pour travailler là, ouais. la plupart du temps. Ou ça, on s'amuse sérieusement avec ça, parce que 100 mm macro, ben, souvent, on a besoin du mode macro dessus. Mm-hmm. Donc, eux autres décident d'en sortir une. Elle est disponible pour les appareils suivants: Canon EOS, Nikon, Sony, monture E, monture A, Pentax K, micro 4 tiers, Fuji X, Samsung NX. Tabarnouche. Oui, ils ont décidé de viser là. Pour tout le monde. Ben, je suis content parce que Sony E, c'est la monture pour mon A7. Oui. Donc, fait que, elle pourrait être disponible pour toi. En ce moment, ça, c'est disponible maintenant. Il y a la version cinéma aussi qui est disponible en précommande pour l'instant. C'est la même chose, mais l'ouverture 3.1 au lieu de 2.8. OK. Pourquoi? J'imagine qu'il y a peut-être un élément ou deux de plus à l'intérieur. Ah, peut-être. J'ai pas trouvé pourquoi. Mais bon, alors voilà, un autre choix de plus. Si jamais vous visez une 100 mm 2.8 macro. Samyang, bon, c'est pas la qualité Canon Nikon dans l'optique, mais c'est beaucoup moins cher aussi. Mm-hmm. Puis ça va rejoindre quand même beaucoup de gens. À 699 $, c'est quand même... Ouais. C'est presque la moitié du prix. Ouais. Oui, parce que Sony sort le mois prochain, je crois en juillet, une 90 mm macro, et je crois que ça va tourner dans les 1500 $. Donc, voilà. Ouais. Non, c'est des beaux objectifs. Puis peut-être que, bon, c'est pour certaines personnes, ça va être suffisant. On peut voir plein de tests sur Internet là-dessus, mm-hmm. Voir si ça nous satisfait comme photo. Moi, je dirais que la moitié des gens devraient être satisfaits avec ça. Super. Moi, la mienne, ma 8 mm, a fait le travail. Mm-hmm. Parfait, merveilleux. De mon côté, petite nouvelle de Sony, surprise. Vendu. Sony posséderait 40,2% des parts du marché des capteurs. C'est impressionnant photo. Quand même. Ouais. OK, tout appareil confondu. Tout appareil oui. confondu. Ben, je pense que Nikon, entre autres, oui, c'est des Sony. Exactement. Il y a Nikon qui utilise des capteurs Sony. Il y a des capteurs dans les téléphones, dans les smartphones Sony. Il y a des capteurs Sony à des endroits que l'on ne soupçonnerait pas. Dans des appareils, toujours. Là, mais... Oui, oui. Dans les recoins sombres. Mais... Fan, des fois, là. Non, non, mais dans les iPhones, le saviez-vous? Non, je savais capteurs pas. Capteurs Sony. OK. Ah non, je savais pas. Voilà. Hey, c'est bon, ça, Sony. Hein? On n'aurait pas dit ça il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, qui serait aussi important dans le milieu de la photographie. C'est ça. Ben, en fait, précision, les deux modèles d'iPhone 6, les modèles précédents, je ne sais pas, là, l'histoire ne le dit pas, mais dans les iPhone 6 et 6 Plus, c'est un capteur Sony. Donc, écoutez, moi, je l'ai toujours dit. En tout cas, à date, les appareils Nikon aussi qu'on a testés, oui, l'optique, il est vraiment pour quelque chose, mais la qualité de photo est toujours là. Là. Ça prend de très, très beaux clichés. Mm. Ben, maintenant, on comprend pourquoi. Non, c'est pas vrai. Je fais exprès. Pour. Mais le 60% restant, es-tu vraiment divisé entre beaucoup de compagnies? Il ne doit pas y avoir tant de compagnies que ça qui en créent. Non, je c'est pense ça. Ben, pas moi non plus, honnêtement. J'imagine que c'est ça. Canon ont leur propre capteur, à part de ça. C'est marqué Samsung dans la... Samsung, oui. Il y avait Omnivision qui faisait des capteurs, j'imagine, pour peut-être les versions d'iPhone précédentes. Les autres sont tristes parce qu'ils ont perdu le contrat. Ben merci, oui. Et ils ont, quand ils ont perdu le contrat, ils ont oublié de le divulguer aux actionnaires et ils ont dû payer une petite amende de 12,5 millions de dollars. Yeah. Oh. Donc, c'est pas payant une perte de contrat comme ça. Je comprends. Non. Tiens, Apple. Ouais. Alors, voilà. Puis là, ben c'est ça. Pour faire un petit lien avec ce dont Maxime est venu nous parler, en fait, tu pourras peut-être nous éclairer un peu plus sur le sujet, même si j'ai quand même lu le topo. Mais on a un type qui s'appelle Richard Prince qui vend de l'art sur Instagram et qui fait une petite fortune grâce à ça, mais ce ne sont même pas ses photos à lui. C'est ça qui est particulier. Je sais pas si tu veux juste nous faire un petit... J'ai lu un peu la semaine passée, donc c'est un petit peu vague, mais Richard Prince, c'est un artiste contemporain qui est reconnu pour l'appropriation. C'est oui, ça le mot? Oui. Donc, fait de l'art de l'appropriation. Donc, une de ses premières œuvres qui était connue, c'était une photo célèbre qu'il avait repris en photo par-dessus. Donc, il y avait d'autres sortes d'art. Puis, un des projets qui était l'année passée, qui était un petit peu... qui est passé sous silence. Un peu sous silence, mais volontairement par la maison d'enchères ou la maison d'exposition, c'est qu'il a fait une série où il prenait des photos d'Instagram de plusieurs personnes, surtout des filles sexy, dont les Suicide Girls, les... Mm-hmm. Ouais, entre autres, une chanteuse, Kai Ferreira, une jeune chanteuse de 20 ans, prometteur s'il y aurait moins de drogue dans sa vie. Puis il a vendu plusieurs de ces photos-là à 90 000 piastres, 100 000, 80 000 piastres environ. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est la photo, à peu près le cadre d'Instagram traditionnel. Donc, c'est à peu près tout, qu'est-ce qu'on voit. Mm-hmm. Okay. Donc, c'est assez particulier. Ah ouais. Donc, avec des commentaires. Oui, ben en fait, c'est ça. Lui, ce qu'il se défend en disant « j'utilise le principe du fair use », donc de l'usage, comme on pourrait dire, autorisé, si on veut. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre une photo et il la remet en contexte en publiant un commentaire dessous. En fait, une étiquette, si on veut, un caption. Là. Donc, lui, il écrit comme une description de la photo, mais ce qui fait que ça remet la photo dans un contexte différent. Et parfois, il va faire comme des montages, des collages de photos. Okay. Et là, ça refait supposément une nouvelle œuvre. Mais la différence entre vous et moi, messieurs, c'est que Richard Prince est riche. Ah ouais. Donc, et il est riche parce qu'il est riche. C'est ça. Non, mais c'est... Oui, ben oui. Et donc, lui, il réussit à se faufiler dans les mailles des filets parce que il doit avoir des contacts, parce qu'il a déjà fait ça dans le passé et ça... Ben, c'est provocateur quand même. On va être honnête, là. Oh, c'est, comme tu dis, c'est de la réappropriation. En partant, on s'entend-tu que quelqu'un qui fait de la réappropriation, c'est provocateur? Parce que ça veut dire, je prends l'œuvre de quelqu'un d'autre, puis moi, je vais faire ma reconnaissance là-dessus. En partant, c'est baveux un peu, là. Oui. Mais il y en a qui aiment ça, ce genre de choses-là. Ouais, il y en a qui aiment ça, être au bord de la légalité, là. Moi, j'aime pas nécessairement ça, mais c'est quand même... Ça me frustrerait, ce serait une de mes photos, sûrement, mais ça me dérange pas vraiment. Probablement, la photo, si la personne l'aurait imprimée elle-même, elle aurait pas valu 100 000 $. C'était la mise en contexte, c'était un petit peu tout. Mm-hmm. Deuxièmement, Instagram, t'as pas vraiment droit sur tes photos... Ouais, si en partant, tu remets tes droits. Exact. Ouais. Donc, tu es la sphère publique, sinon tu vas sur Flickr ou d'autres sites que je ne connaîtrais pas. Mais ça pose la question. Donc, si toi, tu n'as pas ton droit sur la photo, est-ce qu'Instagram a les droits sur la photo? Puis est-ce qu'Instagram peut poursuivre Richard Prince? Oui, c'est ça. Tu sais, quand ça commence à devenir tordu, c'est ça quand même. Parce qu'à un moment donné, cette photo-là appartient à quelqu'un pareil. Lui a fait sa carrière sur l'appropriation, donc c'est arrivé avant qu'il s'est fait poursuivre à une ou deux reprises, mais les deux fois il a gagné, comme quoi c'était le fair use, donc c'est assez correct. Deuxièmement, j'ai été voir la conférence des gars de Bref, une web-série française qui a eu beaucoup de succès, puis eux autres ils disaient qu'ils avaient galéré pendant un certain temps, ils étaient début trentaine, c'était leur premier succès, avant ça ils avaient travaillé beaucoup en télévision, puis ils disent que si t'as du talent, tu vas avoir des idées, puis si t'as des idées... Tu vas te faire voler. Donc, il va tant avoir quelqu'un qui va te faire voler. Puis à un moment donné, les personnes, probablement, qui les volent, ça va leur revenir sur le dos. Lui, il comptait une personne qui avait fait ça beaucoup dans le milieu de la télévision française. Puis qu'à un moment donné, ça était comme un peu sorti. Puis sa carrière est comme à moitié finie à cause de ça. Deuxièmement, c'était du talent. Donc, ça va revenir encore une fois. C'est pas un one-hit wonder. Mm-hmm. Puis aussi, il me semble, sur les réseaux sociaux à cette heure. Ça, c'est tellement flou, tellement... Lui, il a reçu une vague de haine, de commentaires, justement, puis il dit ça me fascine, toute cette haine. Je croyais que c'était une blague au début, mais là, il dit, je réalise que vous êtes sérieux, en tout cas. Comme si le type, c'est pas grave, il ne faisait rien de mal, il avait aucune idée, lui, que... T'sais, il va essayer de nous faire croire qu'il n'avait aucune idée que... Il joue son rôle. Ben oui, c'est clair. Il sait très bien dans quoi il s'est mis les pieds. Il sait que ça va brasser. T'sais. C'est ça. Donc, non, mais c'est comme Christian disait. Il y en a qui aiment ça provoquer. Puis, ils ont besoin de ça. Ils fonctionnent à ça dans la vie. Ouais. Ils ont besoin de provoquer. Je repense à ceux qui faisaient des sculptures avec... utilisons des mots... politiquement correct, ce qu'on retrouve dans une toilette ou des choses comme ça. Ah ouais. Tu sais, il y en a eu là, de ça, là. Mm-hmm. Fait que ces gens-là, c'est pas parce que la merde est super passionnante à sculpter, là. C'est parce que c'est provocateur. Ah oui, absolument. En même temps, même à cette heure, on ne peut plus vraiment avoir de nouvelles idées. Tarantino, ses films sont bons, mais il prend les affaires un peu partout. Oui. C'est vrai que lui, il prend juste une source. Mais ça, le monde prend les sources un peu partout. Mais tu vois, mon point, tu as raison, c'est vrai. Mais prendre une inspiration, puis prendre l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est ça. Je trouve qu'il y a quand même une grosse marge entre les deux. T'sais, tu peux t'inspirer et faire ton œuvre, reprendre une photographie, mais la faire toi-même avec ton sujet, ton modèle. Mais de là à prendre l'œuvre de la personne et mettre un petit commentaire en dessous et dire, ben voilà, je voulais je trouverais ça moins fâchant si tu me ferais, mettons, une série, là, vraiment, là, où ce que tu fais exprès, là. Tu sais, tu pousses ça à l'extrême, tu prends une personne là, vraiment similaire à la photo, vraiment pareil, là. Tu essaies de reproduire une copie exacte de la photo, mais sans que ça soit la copie exacte de la photo, même quitte à la mettre à côté, juste pour dire, regardez. Tu sais, une série de symétrie ou une affaire de... Non, c'est trop tard, je viens de le dire, ça a déjà été fait. Ah, mais comme... mais tu sais, je trouve ça moins pire. Là, je trouve que c'est vraiment genre... Oh, ouais, je prends ton image, je prends mon affaire, c'est cool, c'est pas pire ce que t'as fait, mais toi, tu réussiras jamais à le vendre, moi, je sais que je vais être capable. Ouais, c'est ça, exactement. C'est insultant à la c'est limite. Comme Shepard Fairey, un artiste de Street Art, qui avait fait un portrait de Barack Obama en 2008 qui était bleu-blanc-rouge, qui était une photo, je pense, du Time. Ouais. Donc lui, il avait refait, puis il s'était fait poursuivre par Time, puis il avait perdu comme quoi la photo appartenait à Time. Là, c'est vrai qu'il y avait des droits d'auteur en question, chose qui n'est pas là. Mm-hmm. Bon, tout ça m'a fait penser à ça. Puis juste pour finir, les filles de Suicide Girls vendent, se sont fait voler 4 ou 5 photos. Mm-hmm. Donc, ils ont été vendus 90 000 piastres, eux autres, ils les vendent à 90 piastres, les offres à cette heure, comme une copie de l'œuvre de Richard Prince, une copie de leur œuvre pour 90 piastres. Okay. Oh, puis ils donnent les 90 piastres à un organisme... d'un peu droit d'auteur internet, quelque chose du genre. Ok, ouais. Avec, le clin d'œil est intéressant. De toute façon, un peu de couper l'herbe sous le pied, au moins de dire au Kigan pour 90$ au lieu de payer. Mais ça, tu vois, garde. Ouais, c'est drôle. Mais ça donne rien parce que la personne qui a acheté ça le savait dans quoi qu'elle s'embarquait. C'est comme, vous rappelez-vous, je fais un parallèle, il y a quelques années, Apple, les applications pouvaient être de 99 cents à 2000$. Mm-hmm. Puis, non. 1999$. Ouais. Et il y avait une application qui s'est vendue 1999$. Il y en a 10 copies, je pense, dans le monde. Mais elle fait quoi? Elle fait rien. Ça dit, bravo, félicitations, vous avez l'application à 2000$. C'est tout ce que ça fait. Mais c'est parce qu'il y a 10 personnes dans le monde qui l'ont. Ouais. Mais là, essaie de la revoir maintenant. Fait que pour avoir cette application-là, il faut que tu te fasses vendre le compte. Puis ça vaut une fortune. Okay, oh my God, t'es sérieux? Je suis très sérieux. Ça vaut une fortune parce qu'il n'y en a pas. Okay. C'est con, mais c'est ça. Ça fait penser quelque chose, mais ce serait loin de la photo. Il y avait des artistes, le gars canadien qui avait... c'était assis une maison avec une trombone. Il avait changé une trombone. Ouais. Quelque chose. J'essaie de faire quelque chose à New York une couple d'années aussi. C'est qu'il avait été dans un petit dépanneur. Là-bas, puis il avait tout acheté. Donc, les palettes de chocolat, le coke, les chips, et ainsi de suite. Il a fait une exposition avec certains. Donc, il prenait, mettons, un sac de Ruffles dans un cadre, bouteille de coke comme une sculpture. Puis après ça, il vendait tout ça, genre 50, 100 piastres, 1000 piastres, toutes les affaires. Je sais pas si ça avait marché. Aïe, aïe, aïe. OK. Ah ouais. Là, c'est loin de la photo. Ouais, non, mais c'est le même. Mais c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est toujours essayer de provoquer, mais tu as divers degrés de provocation. C'est toujours ça la même chose. C'est, en tout cas. Moi, j'avoue que celle-là m'offusque un peu plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? En même temps, je pense que depuis qu'on fait le podcast, je le dis, si tu mets tes photos sur Internet, attends-toi pas à ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te voler ou faire ce qu'il veut avec. Moi, là-dessus, c'est triste, mais j'en ai fait mon deuil il y a longtemps. Ouais. C'est clair que si quelqu'un trouve ta photo, il la trouve belle, puis il veut l'utiliser, puis il dit, c'est à lui, c'est tout. La seule place de save, c'est Flickr ou même ben, encore? Ben, même encore, parce qu'il faut que tu le trouves. Faut-tu le trouver, la personne qui prend ta photo? C'est ça le détail. Mais quelle belle façon de passer le flambeau à François qui a préparé une chronique sur le sujet. Ben oui, puis pour les gens qui, contrairement à Christian, eux, ça les fait de retrouver leur travail sur d'autres sites. Attends, juste une parenthèse. Ça me ferait chier, mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est plus ça l'affaire. Mais bon. Ah oui, mais moi, je vais te dire ce que tu peux y faire. Good, ben vas-y. En fait, si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui l'a fait, tu peux chercher, voir si ça a été fait. Puis c'est de ça que je vais vous parler. Il y a un gars de Québec qui s'appelle, c'est un photographe de presse. Il s'appelle Francis Vachon. Il a fait un petit vidéo sur YouTube pour expliquer comment faire ça. Il y a Google Images qui offre carrément la fonction de le faire. Puis c'est hyper simple comme technique. Mm-hmm. Tu prends ta photo, qu'elle soit locale ou que tu l'aies pris d'un site. De Google Drive. Oui, c'est ça. Tu la dragues directement dans Google Images. Il va uploader le fichier pour, évidemment, pour que les serveurs de Google puissent travailler un peu leur truc. Et il va trouver, faire une recherche en même temps, la même photo si elle a été utilisée selon certains critères. Donc, mm-hmm. c'est assez poussé comme technique parce que c'est pas juste ta photo avec cette résolution-là. Non, il va aller voir des trucs. Même si le cadrage était changé, il serait capable de reconnaître avec goggles, là, j'imagine, un peu qui doit servir un peu pour faire ça. Fait que je vous conseille d'aller voir ça, cette petite vidéo-là. C'est hyper simple. Ça prend 2 minutes à regarder puis on comprend tout de suite comment ça fonctionne. C'est hyper simple. Très pratique pour ceux qui ont des doutes. Mm-hmm. Moi, je partage souvent sur ma page Facebook des photos que je trouve sur Reddit. Puis souvent, la source n'est pas marquée, donc c'est un peu n'importe qui pose sa photo. J'utilise souvent Google Images, puis ça sort des photos, mais je trouve jamais vraiment la source. Ouais. C'est vraiment assez rare que je trouve la source initiale. Ouais. Donc, c'est un bon truc, mais c'est encore à peaufiner pour... C'est un bon départ, en tout cas, pour dire, OK, sur ce site-là, on utilise des photos que moi, j'ai prises. Tu peux envoyer une mise en demeure. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà parlé au podcast ici. Des photos que j'avais faites pour une émission de cuisine qui se sont retrouvées sur le site je n'aimerais pas l'épicerie, mais d'une épicerie. Là, tu te dis carrément, OK, attends une minute, eux autres, ils se font de l'argent avec ma photo, puis moi, mais j'ai pas libéré de droit cette photo-là. Mm-hmm. Là, fait qu'il y a eu une mise en demeure d'envoyer de la part de mon employeur, parce que mon employeur m'a payé pour prendre ces photos-là. Fait que c'est lui qui s'est occupé de prendre en charge la portion juridique. Puis ils ont dit, bon, mais mise en demeure, parce que ces photos-là ne t'appartiennent pas, ne vous appartiennent pas. Il y a eu ça a été retiré immédiatement du site web. T'sais. Mais c'est quelqu'un qui... Un, le savait pas. Deux, a fermé les yeux. Ou trois, pense que c'est gratuit de faire ça. Ouais. Mais bon, peu importe, la personne s'est fait avertir. Puis les photos ont été retirées. Ça, c'est pas toujours le résultat. J'imagine qu'on espère qu'il arrive. Mais au moins, c'est une arme de plus. T'sais. Au minimum, si vous utilisez la photo de quelqu'un et que vous avez l'information, mettez le crédit de l'auteur, tu sais. Ben non, mettons, demander l'autorisation. Demander l'autorisation. Ensuite, si la personne vous autorise, c'est comme MTL Blog faisait pas avant. Oui, vraiment d'aplomb. Je voulais pas les nommer, mais c'est arrivé justement avec la photo de quelqu'un que je connais, puis il m'a écrit, il dit « Qu'est-ce que je fais? Ma photo est utilisée par MTL Blog. » Puis là, ben, j'ai dit « Écoute, écris-leur une petite lettre polie en disant « Écoute, personne ne m'a contacté, c'est ma photo, j'aimerais ça qu'elle soit enlevée ou à moins que vous vouliez me compenser monétairement, financièrement, peu importe. » Et bon, il faudrait que je lui demande qu'est-ce qui est arrivé finalement, là, mais j'imagine que c'est avant que... Non, mais ça a été bien posé juste pour ce blog-là, mais il me semble que ça a été un rappel quand c'est arrivé dans le passé un peu à tous les sites, petits blogs personnels, de donner au moins le crédit minimum. Ben c'est ça. Puis moi, c'est ce que je dis aux gens. Souvent, je vais prendre des photos, mettons, pour les mystérieux, pour plein de petits événements comme ça. Puis je dis, fais juste mettre mon nom sous la photo, puis moi, ça me fait plaisir, là. Mm-hmm. C'est correct, tu sais. Je veux dire, moi, j'aime faire de la photo. J'allais là parce qu'on se connaît, puis ça me fait plaisir, je te les donne. Ben après, quand tu les publies, tu fais juste mettre mon nom, au minimum, puis encore mieux, un lien peut-être vers mon album Flickr ou vers ma page à moi, peu importe, mais... Au moins le nom, tu sais. C'est... Il y a quelques personnes sur Instagram, en tout cas, qui marquent ceux qui ont beaucoup de followers, ils ont marqué, ils mettent leur signature en bas, la photo. Ouais. Donc déjà, ça l'aide un peu. Ouais, c'est ça. Ben, je m'étais déjà fait un petit watermark, là, le technophile, tout ça, mais j'ai arrêté de le mettre. Je trouvais que ça devenait... j'étais encombrant dans la photo, mais si je me mettais à faire de la photo artistique, tout ça, puis que je me disais éventuellement, je vais peut-être faire une exposition, ou... Je mettrais probablement un watermark, un filigrane. Tu vois, moi je fonctionnerais différent. Si j'étais pour faire une exposition, vous verriez aucune de ces images. Non, probablement pas, ouais. C'est vrai. Moi, c'est clair. Là-dessus, c'est... Ou un échantillon, tu sais, quelques photos pour dire, ben, ça va faire partie éventuellement de mon exposition. À basse résolution. Oui, c'est ça. Ouais. Genre 800 par 600, là, quelque chose même moins. T'as pas besoin de beaucoup là, sur une page. Hein. Mais tu vois, non, moi je le ferais pas parce que ça peut te tirer dans le pied, ça. Dans le sens que quand ta photo, elle sort pas bien, ça pourrait dire les gens préfèrent ils sont pas bien belles ces photos. Tu sais, on dit ils sont en basse résolution, mais le monde pense pas toujours plus loin que le bout de leur nez. C'est fait vrai. Que ça pourrait avoir un effet négatif. Non, moi ce que je ferais une série de photos, je dirais voici quelques-unes des photos que vous pourriez voir de la série. Point. Merci, bonjour. Le reste, là quand t'arrives là, tu dis hey, les photos que t'as prises, elles sont pas là. Non. C'est quelques photos de la série. Ça, c'est le reste de la série. Ouais. Ça, c'est moi. Mais, on est tous différents. Ah, puis comme tu dis, Watermark, moi aussi, j'en ai mis à un moment donné. Puis j'haïs ça. Je trouve ça laid. Je trouve que ça gâche les photos. Il y a des gens qui en mettent en plein milieu de la photo. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais. Ça me fait penser à les vieux appareils photo qui mettaient la date puis l'heure. Oui. Ça m'a toujours gossé. Pratique! Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais ça m'a toujours gossé. Fait que pour moi, là, c'est la même affaire. Mm-hmm. Fait que moi, j'en mets pas. Ça me fait penser aussi, il y a beaucoup de vidéos, mais pas beaucoup, il y a quelques vidéos au YouTube qui font ça, qui font 4 semaines de vidéos sur YouTube. C'est en quelque sorte libre de droit, n'importe qui peut la diffuser, peut la prendre, ainsi de suite, tant qu'ils font pas d'argent avec. Ouais. Mm-hmm. Puis il y a quelques personnes donc qui marquent le watermark genre en plein milieu de l'écran, qui fuck, qui fuck l'image, excuse le langage, puis ils marquent en bas genre si vous voulez la diffuser ou quoi, veuillez contacter avec nous, mais... T'es pas intéressé dans ce temps-là. Je veux dire, si on passe à d'autres choses. Toutes ces vidéos qui ont vu ça, ils ont des vues faméliques. Là. C'est ça, exactement. C'est triste, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y en a des assez bonnes dans ça, en plus. T'en doute pas. Et on parlait tout récemment de, justement, réduire ou agrandir la résolution des photos qu'on met en ligne. Je vais faire un autre lien vers la chronique de Christian. T'es en feu, Stéphane. Écoute, vraiment, là, t'es en feu. Denis Talbot n'a qu'à bien se tenir. J'ai appris du maître, mais je vais le dépasser. De combien de résolutions avez-vous vraiment besoin? 50. Parfait. 50%, 50 pixels, ben, 50 dpi. Non, 40. En fait, ma réponse aurait plutôt dû s'arrêter meilleure si j'avais dit 42. Mais oui, bon, oui, ça... c'est intéressant, je trouve, comme question... Combien de résolutions en as-tu vraiment besoin? Moi, j'ai 18 mégapixels sur mon appareil photo, puis il n'est pas neuf, là. Ça fait quand même un certain bout de temps. C'est plus qu'en masse. Même en coupant de moitié à 9 mégapixels, on a encore des photos plus que respectables. Ouais. Fait que c'est pas la mer à bord. Où est-ce que ça peut devenir intéressant? Tout dépend de qu'est-ce que vous faites. Si vous faites de la photo macro, si vous faites de la photo de produits ou des choses comme ça, le niveau de détail peut tout changer. Je me rappelle, j'ai vu, bon, vous avez vu, ils ont été annoncés les nouveaux, c'est quoi, c'est 5DS, les Canon. J'ai vu des photos, c'est quoi, c'est 50 mégapixels. C'est incroyable le détail qu'il y a là-dessus. Oui. C'est hallucinant. Mais en même temps, pour quelqu'un ici, là, c'est-tu vraiment nécessaire? Non. Pas vraiment. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Ben, premièrement, ça dépend si vous tirez un revenu de vos photos. C'est un excellent point. Exact. Stéphane, tu lis dans mes pensées. Oh, désolé. Oui, non, c'est correct. Oui, lis les pensées. Ah, non, je sais bon, pas. Vous pouvez disposer, messieurs, je vais animer tout ça. Mais comme tu dis, Stéphane, c'est très vrai. Si tu fais... Tu sais, moi, j'ai fait deux mariages, des photographies. En faire un troisième, c'est clair que cette fois-là, le premier achat que je vais me chercher, c'est un appareil plein capteur. Parce que je me rends compte, en travaillant mes photos, mes affaires, que ça manque. Il y a une petite coche, là. C'est pas énorme, là. Je veux dire, 90% du monde ne voit pas la différence pour rien de ça. Mais moi, je la vois. Je le sais qu'il y en a une différence. Je sais que ça change. Puis les avantages que ça m'apporterait, puis la facilité que ça me donnerait à le faire. Fait que c'est sûr que si ça devenait quelque chose de plus fréquent, il n'y a aucun doute que mon prochain achat serait un appareil plein capteur. Ça me donne une idée pour le prochain épisode. OK, c'est bon. Évidemment, comme c'est ça, comme je disais, tu sais, si on fait beaucoup, beaucoup de photographies d'architecture, de paysages, de studios, des choses comme ça, on n'a pas le choix d'avoir un appareil photo assez poussé. C'est pas pour rien que, tu sais, on parlait des médium formats, ben t'en avais déjà même testé un, je crois. 48 heures, mais quand même. Quand même. Puis, je veux dire, ces appareils photos-là, à part en studio, là, tu verras jamais quelqu'un sur la rue se promener avec ça. Non, mais paysage, oui. J'ai, oui. Au CES, là, j'ai croisé un photographe qui a fait de la photo de paysage en Afrique ou un peu partout là, avec cet appareil-là. Oui, parce que le degré, le détail que tu peux avoir grâce à ça, ouais. C'est impressionnant, c'est sûr et certain. Mais... Et tu peux recadrer oui. Tellement avec ça aussi. Oui, un peu. Mettons, quand ta photo est à 60 ou 80 mégapixels, oui, parce qu'il y en a 80 mégapixels, ouais. J'ai été impressionné de voir ça. C'est ça. Ben, c'est un peu comme François a déjà parlé avec la vidéo 4K. Tu peux tourner en 4K pour pouvoir recadrer pour du 1080p. Mm-hmm. Ça te donne une latitude que tu n'as pas si tu fais juste tourner en 1080p. Oui. Oui. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Puis, autre chose aussi, c'est important, tu sais, mettons, comme si vous êtes quelqu'un qui prend des photographies aussi de soir, ou de peut-être qu'un appareil photo à haute résolution n'est pas nécessairement adapté pour vous, même probablement pas, en fait. Canon l'a dit, le 5DS, justement, et compagnie, ne sont pas faits pour de la photo de nuit parce que les photosites, les pixels, sont beaucoup plus petits que sur un appareil à 18 ou 24 mégapixels. Donc, la sensibilité n'est pas aussi bonne. Exact. L'ISO ne sera pas aussi performant. Regarde, A7R, je crois, de oui. Sony, c'est quoi? Elle est 12 mégapixels, juste si ma mémoire est bonne? A7S est 12 A7S, mégapixels. A7S, c'est ça. C'est ouais. Celle-là qui est super bonne pour ouais. La... Fait que... Tu sais, je veux dire, on voit que c'est pas pour rien, là. C'est pas des coïncidences, là. Fait que, mm-hmm. On le dit depuis le début, faut toujours avoir les bons outils pour le genre de photo que vous voulez faire. Absolument. Que ce soit en studio, que ce soit comme notre ami ici, tout simplement de la photo Instagram. Ben oui, sur un téléphone. Honnêtement, je veux dire, quelque chose qui m'a fait lâcher, mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Tu disais tout à l'heure que le petit appareil photo est commode aussi, mais parce que, tu sais... Ça te permet de prendre des photos à des angles, des choses différentes, mais il y a aussi un autre avantage, ça te permet de faire disparaître l'appareil photo. Oui. C'est niaiseux, oui, là. C'est vrai. Mais en même temps, je regarde beaucoup de tes photos, puis l'appareil photo, le téléphone, on le voit pas. Les gens se rendent pas compte qu'ils sont photographiés, ou à peu près, comparé à quelqu'un qui arrive justement avec un 7D, ou même c'est moi ça. Avec mon A7. Les gens voient un appareil photo avec un objectif plus ou moins gros... là, ils sont plus peut-être méfiants. Intimidés. Ou ils se regardent, sont moins naturels, ils font ouais. Plus attention. On dirait que l'autre a comme un petit côté plus inoffensif aussi. Ça, avec, ça joue. J'ai une discussion justement là-dessus récemment avec quelqu'un par rapport à une de mes photos Instagram qui disait qu'il voulait faire des photos à peu près dans le même style avec son Kodak. Mais c'est ça qui était vraiment beaucoup avec son vraiment bon Kodak qui était vraiment équipé, mais qui était trop. Trop gêné de sortir le trépied, sortir oui. Son Kodak, sortir ça. Donc, ben, puis déjà, si tu travailles en photo de rue avec un trépied, ça marche pas. Là. Tu peux pas capter un moment. C'est dur. C'est dur. Ben, ouais, c'est ouais. Ça. Puis ouais. C'est pas toujours le bon moment non plus, dépendant de la journée, de où ce que t'es. Je me vois mal sortir mon trépied sur la rue Sainte-Catherine, moi essayer de prendre des photos. Là. Non, c'est ça. C'est, tu peux pas vraiment. Justement, la photo qu'on parlait, qui me parlait de ça, c'était une photo que j'avais prise sur Sainte-Catherine. Ah, ouais. Bon. Mm-hmm. Qui avait assez peuplé. Puis, autre petit détail aussi pour terminer ça, ben si vous avez un appareil à 50-60 mégapixels, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir la petite 50 mm que je parlais tantôt. Non. Ça prend des objectifs dispendieux, solides, etc., avec une optique irréprochable. Parce que sinon, ça donne quoi d'avoir autant de détails si ouais. Ton objectif va tout le gâcher? Ben c'est ça. Quand moi, j'ai décidé d'acheter le Sony A7, il y avait l'objectif kit, qu'on appelle l'objectif de base de Sony, le 24-70 ou 28-70. Puis il y avait le Zeiss 24-70, plus cher, mais la qualité était supérieure. Donc, ça dépend ce que vous voulez faire avec vos photos. Mais moi, j'ai décidé, bon, justement, je fais beaucoup de photos de produits. Là, j'ai dit, je vais investir dans un meilleur objectif pour justement avoir le pourcentage d'extra en qualité dans mes photos. Donc, j'aurais pu peut-être économiser, je ne sais pas, 300-400 $ minimum, mais j'aurais eu un objectif moyen. Il aurait pas été... C'est vrai, il n'était pas F4 non plus sur tout le... Il n'était pas fixe tout le long. C'est ça, c'était pas à ouverture fixe. Ouais. Donc, il y avait... Puis, je trouvais que le piqué n'était pas tout à fait pareil non plus. Donc... Mais encore là, il y a beaucoup de gens qui ne remarqueront pas ça puis qui ne verront pas la différence puis qui font de la photo juste dehors en plein jour ou quand voilà. Il y a assez d'éclairage. Et ça fera absolument aucune différence pour eux d'avoir un ou l'autre. Donc, aussi bien d'aller avec l'objectif moins cher. Parce que, est-ce que ça vaut la peine de payer 400-500 $ de plus si vous, ça vous importe peu? non, tu sais. Pour faire un parallèle, justement, moi, j'ai des amis qui ont voulu s'acheter des DSLR, mais moi, je leur disais, prenez un appareil, peut-être une petite coche au-dessus. Si tu veux que ton objectif est un peu moins bon, c'est pas grave, tu photographies la majorité du temps ta famille et tout ça. Mais si tu es intéressé à aller un peu plus loin éventuellement, ben, ton appareil est déjà très bon. Ça va juste te rester à acheter des objectifs éventuellement. Tu n'as pas besoin de payer une fortune nécessairement non plus. Tu as des bons objectifs à 400, 500, 600 $ maintenant qui a bien de l'allure. Là. C'est peut-être pas des. C'est Sigma qui est particulièrement impressionnant maintenant par rapport à ça. Fait que. Tu sais, bon. C'est toujours une question de qu'est-ce qui est vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin. C'est ça. Puis en fait, on va, comme à l'habitude, même pour ce topo-là, on va publier le lien dans les notes. Puis vous allez voir que selon le type de capteur que votre appareil possède, ça vous donne une idée aussi de la résolution que vous pouvez utiliser. Évidemment, ben, plus le capteur est gros, plus ça peut permettre de mégapixels parce que ça va donner des photosites ou des pixels à peu près de la même grosseur proportionnellement à la taille du capteur. Donc, si vous partez d'un, mettons, d'un, justement un capteur APS-C ben, à 18 mégapixels comme le Canon 7D, puis que vous passez à un plein capteur comme le 5D Mark III, ben là, vous pouvez passer à 24 mégapixels sans problème parce que ça vous donne au moins la même taille ou peut-être même des plus gros photosites là, parce que vous avez une plus grande superficie, une plus grande surface sur le capteur. Donc. Juste une dernière parenthèse, une chose qu'on n'avait pas dite dans l'article aussi. Tu sais, plus c'est gros, plus les photos que tu vas avoir à travailler sont grosses. Oui, les fichiers sont lourds. Plus ça prend d'espace, plus ça prend de processing power à ta machine aussi. Oui. Pensez-y deux minutes, là, une photo en RAW là, à 50 mégapixels, là, ça doit pas loin d'être 100 mégs en RAW. Là. Ça doit pas être bien loin de ça. Là. Entre 60 et 80. Facilement, par en tout cas. Photo. Par photo. Vous faites quelques rafales, là. Bonjour. Là. C'est ça. Là. Fait qu'imaginez Photoshop, Lightroom, tout ça ouvert pour faire des travaux. C'est lourd. C'est lourd. Ça prend une bonne machine. Puis c'est ça. La preuve, justement, aussi, en vidéo, dès que je tourne des petites vidéos avec mon appareil photo, je les exporte en 720p dans Lightroom parce que... Même sur un téléviseur, là j'ai un 42 pouces, même en 720p, ça sort bien. Là. Oh, ça sort on n'a pas besoin du 1080p. Non, non. Fait que pourquoi alourdir de 3-4 fois le poids du fichier quand. Puis le temps de traitement aussi. Là, c'est long sortir des vidéos de Lightroom. Ah, mais moi, j'ai réglé ce problème-là. Tu ne passes plus par Lightroom. De un. Puis de deux, maintenant, j'ai réglé le problème bien facilement parce que. Les quelques vidéos de show que je fais, j'y mets directement sur YouTube, vu que je m'en fous bien raide de qu'est-ce que c'est. Puis ça me permet de les voir partout dans la maison, puis ils sont en 1080p. Fait que de même, après ça, je peux effacer le fichier. Ils sont là sur YouTube. Ça fait mon affaire. Ah, ben oui. C'est pas, tu sais, ça reste des photos, tu sais, d'un show. Là. Ah, c'est ben pas moi, super, quand il manque un peu d'exposition, ou quand la balance des blancs n'est pas tout à fait correcte, je les passe dans Lightroom, puis après, je les exporte. Fait que maintenant, c'est rendu une habitude, mais. Je les sors en 720p quand même parce que c'est beaucoup moins de... Je ris un peu de ma barbe. Là. Oui? Non, mais 720p, ça commence à être faible pas mal pour du vidéo. Là. Oui, c'est mais... C'est sûr qu'il y a le 4K, il y a l'utilisation personnelle. Mais... Oui, c'est ça. Tu sais, tu regardes ça dans ton salon. Toi, mais l'utilisation personnelle. Même la télé est plus puissante que le... Que ta télé est quoi? Est plus puissante avec 1080p ou... 1080p? Oui, oui, mais moi, là, tout ce que je regarde, là... Ben, en fait, là, tu regardes une photo là, de 18 mégapixels sur ta télé 1080p, ben, elle n'est pas plus belle que si tu l'avais mis à... Ben, en fait, tu sais, oui, elle va être un peu mieux définie, mais dans une image vidéo, tu le vois un peu moins que sur une photo fixe. Donc, mes photos, moi, je les sors en 2048 pixels de large, mettons. Puis là, ben, sur une télé 1080p, c'est 1920. Donc, ça revient à peu près au même. Mais la vidéo en 720, vu que ça bouge... t'as moins une impression de perte. Les chaînes de télé, la plupart, sont encore 720p en diffusion ou vont compresser pour... Tu sais, même si t'es en 1080, ça compresse au maximum. Fait que t'as presque moins de qualité que du 720. Puis souvent, ben c'est ça, mes vidéos, c'est pour des souvenirs personnels, des trucs familiaux, peu importe. Okay, ouais, fait que je regarde ça dans mon salon, c'est pas important. Là. Je vais jamais... Ça m'arrive à peu près jamais de tourner de la vidéo pour des articles que j'écris ou quoi que ce soit. Et quand ça arrive... Souvent, on les met genre à 434 pixels de large. Puis on va s'entendre que, je sais pas pour vous, là, mais moi, tu sais, on a tous vécu avec la télévision en 480p. Fait que quand j'ai une image en 720p, je suis déjà bien content, honnêtement, parce que la qualité est pas mal au-dessus de ce qu'elle était. Mais je suis d'accord avec toi que si je peux avoir, puis tu sais, si je suis pas sur mon téléphone, que ma connexion Internet est rapide, je la mets toujours en 1080p. C'est clair, là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais sinon... Mais ça, c'est aussi peut-être à cause de beaucoup de vidéos. Ouais. Puis YouTube, ça avance assez vite la qualité. Puis c'est impressionnant. Puis moi, puis mon collègue qui cherchons les vidéos pour l'émission, on, 720p, on regarde ça, puis on trouve que ça fait dur. On est plus mais je comprends, parce que je comprends. Donc c'est pour ça que je ris un peu. Oui, mais en plus, c'est que tu les regardes sur un écran d'ordinateur qui est à peu près 1080p. C'est ça, puis il est beaucoup plus près de ton visage, tu sais. Tandis qu'un téléviseur qui est à 3 mètres, la différence est beaucoup moins. Mon point là-dessus. Ouais, donc. C'est pour ça. Normalement, je me dis, oui, sur... moi, c'est ça. Je mets toujours des vidéos de 1080p quand je regarde sur mon écran d'ordinateur, mais dans mon salon, au lieu d'être à 60 cm, je suis à 3 mètres, ben, c'est moins le important. Détail t'est manqué, anyway, de toute façon. C'est ça. Donc, voilà. Et maintenant, on va conclure avec le petit bloc de suggestions. Et moi, dans mes suggestions, j'ai... quelque chose peut-être pour vous inspirer, tout le monde, chers auditeurs. Peut-être vous aussi. Mmh. 16 objets de tous les jours qui sont photogéniques. OK. Je vais vous en nommer quelques-uns. Oui. De la fumée. Donc, on pense à New York avec ses bouches d'égout où la fumée s'échappe. Ou un restaurant ou n'importe même, quoi. Même la cigarette. La cigarette. J'aime pas la cigarette, mais il faut être honnête sur un détail. Je dois dire que ça peut faire des foutues belles photos avec l'ombre. Puis tout ça, là, j'en ai vu des très, très belles. Exactement. Donc, il peut y avoir l'intérieur d'un restaurant, un truc... Plus il est miteux, mieux c'est. Oui, c'est ça, avec tout plein de trucs affichés, placardés sur les murs. Du vécu. Ouais. Ceux qui aiment photographier leur nourriture, les trucs qui disparaissent, les trucs éphémères, dont la bouffe dans votre assiette. Non. OK. J'ai fait une fois sur Instagram, j'ai perdu assez vite deux abonnés. La seule exception que je vais faire c'est pas au resto. Si c'est de la bouffe que moi j'ai faite puis qu'il y a quelque chose de spécial, ça me dérange pas, mais au resto, jamais de la vie. Non, ça, j'étais vraiment trop fier de... Je me faisais ma cuisine, là, des pâtes, un steak, puis là, je m'étais fait un petit déjeuner. Ah, c'était de ta concoction? Non, mais moi... Là, ils sont plates. Non, c'est fier. Moi, je suis d'accord avec ceux qui ont débarqué. Je veux dire, c'est OK. Tout le monde se fait manger dans la vie. Là, on peut-tu passer à autre chose? Oui, c'est ça. C'est quelque chose de spécial, justement. Pour toi. Il y a aussi les trucs qui viennent en groupe de trois, en paquet de trois. Donc, trois personnes en train de discuter ou prendre une pause. Tout ce qui va former des triangles. Oui, la règle des tiers. Ouais. Non, pas les tiers. Je sais. Les triangles. Je sais. Les triplettes de Only Walkie. Les triplettes de Belleville. Non, Only Walkie à fin des années 90, c'est trois jumelles identiques en bikini. Là. Ah, OK. De bière. Non, c'est parce que c'est la Trinité, c'est Dieu, le Saint-Esprit. On va pas là. Mais tu ris, mais c'est tout le temps ça, souvent. C'est possible. Mais esthétiquement, les triangles en photo, les lignes ou les trucs qui reviennent par trois, ça peut être intéressant. Les vélos, j'ai fait ce genre de photo-là, vous verrez au point numéro 8 si vous allez dans les notes d'épisode pour cet article-là. Ah oui, j'ai déjà fait les Bixi aussi quand on s'est promené avec Blurb il y a presque deux ou trois ans en tout cas. Oui, photo de Bixi. Mais j'avais fait une photo de mon vélo de location à Wildwood, au New Jersey. Il y avait un mur tout jaune avec un truc intéressant, un logo intéressant. Puis j'avais appuyé mon vélo contre le mur. J'étais allé dans le milieu de la rue, j'avais pris une photo, je trouvais ça intéressant. Mm-hmm. Donc, si vous avez un vélo, c'est un vélo, un modèle assez ancien, donc un vieux vélo de location, ça rendait ça plus intéressant qu'un... Mais des beaux vélos neufs de course ou des trucs comme ça, ça peut être intéressant aussi. Ça dépend du décor. Ou tout sale, plein de boue là, qui vient de sortir des sentiers boueux. Ça peut être intéressant aussi. Mm. Ouais. Des petits détails, des vitrines, des néons. Moi, j'aime beaucoup prendre des bornes d'arcade. Le logo du jeu vidéo, ces trucs-là, là, j'en ai 3-4 photos comme ça, donc dont une que j'ai prise à Game On. Et c'est le genre de photos que j'aime prendre. Peut-être par nostalgie, peut-être pour l'effet de lumière. Il y a sûrement un peu de nostalgie. Il y a un peu de tout. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant. Les néons, moi, ce que j'aime, c'est la luminosité que ça donne. C'est vraiment pas la même chose. C'est plus doux, mais c'est... En tout cas, j'adore ça, les néons. Un certain aura un peu. Oui, exactement. Ah, les tatous. Il y a tout, des tatous, des chiens, des animaux, tout simplement, des ou des de la mode, que ce soit beau ou douteux. Oui, c'est plus dans la catégorie douteux, ça. C'est ça. En tout cas, vous irez voir, il y a beaucoup de photos. Ouais, c'est des photos intéressantes. Il y a une idée, ouais. Puis, vous pouvez faire justement de la photo noir et blanc. C'est pas obligé d'être en couleur. Vous pouvez appliquer des filtres, comme sur Instagram. J'adore pas les filtres, mais récemment, j'ai recommencé à en appliquer dans mes photos Instagram. J'en ai pas pris beaucoup, mais je vous en reparlerai dans un épisode ou deux. J'en abuse. Ben, c'est ça, mais ça peut être intéressant. Oui, mais si c'est un abus calculé ou qui fit, tu sais, qui rentre bien dans la photo, qui l'améliore ou qui apporte quoi que c'est ce soit, il n'y a aucun problème. Mais si c'est juste en mettre pour en mettre... Je suis pas un détesteur de filtre, moi. Il faut juste que ça marche. C'est ça. Juste exactement. Si ça marche, c'est pas trop. Souvent, je me fais le filtre sur l'affaire, puis après ça, je fais souvent les photos, les lettergrams. Je le pose plus tard. Plus tard, puis après ça, je refiltre par-dessus. Donc, c'est une deuxième couche de filtre. Puis, tant que ça marche. Et ensuite, voilà. Parfait. Christian, toi, de ton côté, tu as un tout petit appareil photo. Ben, en fait, non? C'est drôle parce que justement, ça fit encore très bien dans notre sujet. Oui. J'ai vu cette photo-là qui est une magnifique photo prise par un photographe où ce qu'on voit une jolie dame qui descend un escalier avec ce qu'elle a l'air d'avoir des ailes de feu. Ah ouais. C'est vraiment cool, c'est super bien fait. Puis là, on se dit, ça doit être fait avec un appareil photo à 30 000 $. On a fait de même. C'est ce que le photographe utilise normalement, mais il a décidé pour, évidemment, on sait bien, des fins de publicité. Ah ouais. D'utiliser un appareil photo d'un téléphone pour réussir à faire sa photo. Mm-hmm. Okay. Je vous défie de le savoir parce que la photo est magnifique, le détail est excellent. Mais tu sais, quand on disait que pour pouvoir prendre des bonnes photos avec un appareil photo d'un téléphone, il faut contrôler toutes les données, ben lui, c'est une longue exposition. Mm-hmm. Fait que dans ce cas-là, c'est sûr et certain que c'est plus facile. La fille n'a pas bougé pendant probablement ce qui est l'équivalent d'un 10-15 secondes pendant que le monde passe en arrière pour faire les ailes de feu. Fait que c'est sûr et certain que là, l'appareil photo a le temps de prendre du détail des choses. Fait que... Puis ça a dû être passé en post-production aussi. Il n'y a personne qui a la tête dans le sable, c'est sûr et certain. On parle quand même d'un bon photographe, là, Von Wong. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait de la photo de façon professionnelle, mais il s'est acquis une réputation solide là, au cours des, je dirais, peut-être des 4-5 dernières années. Là. C'est rendu un nom Benjamin Von Wong. C'est vraiment... Mais c'est ça, tu sais, normalement, son appareil photo qu'il utilise, c'est une Mamiya Leaf Credo à 38 000 $, là. Fait que pour lui, ça a dû être un petit peu une adaptation, mais regarde, le résultat, il est là pareil. Mm-hmm. Ah, ils disent qu'il n'y a pas de Photoshop. Ouais, mais est-ce que... Ouais, mais tu parlais que il prenait un appareil à 38 000 ou... Ben, là, la pub, c'était pour un smartphone. C'est pour un smartphone. C'est ça, c'est le Huawei 8. Oui. Donc, vous irez voir. Je présume qu'ils font un comparatif aussi. Il y a une vidéo à la fin. Donc, vous y jetterez un petit coup d'œil. François, toi, de ton côté? Moi, de mon côté, je fais un petit peu la suite de ce que je vous ai fait dans l'épisode 73. Je vais vous parler de... Parce que dans l'épisode 73, j'avais parlé de photos de chambres d'enfants dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Ben, là, je vais un peu la suite parce que c'est une série de photos d'enfants qui sont prises par le photographe italien Gabriele Galimberti, intitulé « Toy Stories ». Sur ces photos-là, qui sont toujours prises au travers le monde, ça nous montre des enfants qui ont ce qu'ils ont de plus cher, évidemment, comme le titre le dit, leurs jouets. Galimberti a voulu explorer l'universalité de ce qu'est être un enfant dans la diversité de plusieurs raccoins dans le monde. Bon, ce que ça veut dire, là, en gros, c'est ça ressemble à quoi avoir des jouets dans un pays puis dans un autre pays. Mm-hmm. Parce qu'à leur âge, là, tout ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est jouer. Okay? Fait qu'il est assez clair qu'il y a des différences à aller voir là. Mais comment ça diffère d'un pays à l'autre? Ben, c'est pas vraiment surprenant de voir que dans les pays plus riches, les enfants sont plus possessifs de leurs jouets. Mm-hmm. Lui, ça y a pris plus de temps à s'installer avec eux, puis de manipuler leurs jouets à ses enfants-là. Ah oui? Oui, ils étaient un petit peu plus... ils défendaient un peu plus leur territoire puis leurs jouets, évidemment, c'est leur possession. Dans les pays pauvres, ben c'était moins important la possession de leurs jouets, fait que les contacts ont été beaucoup plus faciles, même s'il y avait juste 2-3 jouets, tu sais, entre eux, ouais. Ça me surprend pas en tout. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai des enfants à la maison, ça me surprend pas du tout. C'est dur à apprendre à partager, hein. Mm-hmm. Ouais, puis dans la série de photos qu'on peut voir, ben c'est quand même fascinant de voir aussi dans quel monde il évolue, puis on sent l'influence des parents dans certaines photos. Pourquoi que tel enfant aime tel plus ce type de jouet-là, puis tout, fait qu'on peut voir un peu le... Vous allez mettre le lien sur votre oui, absolument. Site. Si vous pouvez, dans tous les sites, tous sujets confondus, Future Shoot, celui qui vient là, c'est peut-être dans mon top 5 de mes sites préférés. Okay. Toutes ces séries de portraits photographiques vraiment très beaux. Cette semaine, il y avait des gitans, il y avait aussi des femmes... nu de 600 livres, il y avait c'est vraiment beaucoup des séries de portraits qui sont vraiment géniales. Des piscines abandonnées, wow, il y a vraiment toutes sortes de ça, trucs. Ça surpasse quasiment le... Moi, je dis que c'est comme des mini wall press photos à chaque pose. Ah, c'est vraiment... Ouais, ouais. Toi, vraiment c'est une bonne inspiration pour toi, ce site-là, là. Je comprends bien. Non, c'est juste un des très rares sites que je vois sur Internet beaucoup, mais c'est rare que je vois par moi-même. J'ai tout le temps comme un peu... Je pense à... Donc, au travail, à des petits projets ici. Puis ça, c'est un des rares que je vois vraiment... Pour toi, pour garder un peu, l'intérêt. Tu découvres la vie un peu partout. C'est un peu du documentaire. Les photos sont géniales. Ah, ben c'est bon, merci. Parfait. Fait que pour le... Gabriele Galimberti, pour ceux qui sont intéressés à voir son travail, ou le lien sur notre page web. Et pour terminer, moi, je suis tombé sur un projet photo de super-héros. Mais... fait avec du lait. On parlait du miel à l'épisode précédent, où il y a deux épisodes. Oui, oui. Puis, je me rappelle très bien. Ouais, là, c'est avec du lait. Okay. Donc, vous allez voir, c'est assez impressionnant le résultat. On a fait tomber, éclabousser du lait sur des modèles. Et ça donne des... Après ça, ça a été coloré, évidemment. Là, mais ça... Je dirais même qu'il y a des superpositions d'effets. C'est fort possible. Ouais, ouais, ouais. C'est la façon que le lait tombe c'est ça. Exact, à parfaite. C'est ça. Il y a peut-être du lait, mais il n'y a pas des LED, en tout cas. Non, ça, hein? De jolies dames, mais bon, attention à ceux qui sont au travail. Vous irez voir peut-être plus tard. Non, il n'y a pas de nu, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais... Non, mais il n'y avait pas grand-chose sur le dos, en tout cas. Ça, En fait, c'est ça, les modèles sont nus, mais on voit pas de... Il n'y a rien d'explicite, là, en tout cas, de mauvais goût, disons. Ah non, mais je comprends plus ou moins comment c'est fait, pareil, honnêtement. Ben, tu sais, tu dis, il n'y avait pas de couleur, mais regarde, la fille, elle a de la... Elle est toute... C'est pas juste du lait ordinaire, mais il y a probablement de la superposition, c'est ça, du colorant et tout ça, mais... Juste, vous irez voir le vidéo, le making of, je vendrai pas de punch. Ouais. C'est magnifique, le résultat dans la couleur. Écœurant, vraiment. Là. Donc, tu vois, ça a dû être pris avec un gros appareil photo. Ouais. Wow. Alors voilà, ceci conclut ce 74e épisode. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, François. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Merci, Maxime, de ta présence. Merci beaucoup. Très intéressant. En tout cas... On vous invite à le suivre sur Instagram. C'est tout simplement Maxime Soriol, hein, je pense. Non, c'est XIM_Soriol. S-O-R-I-O-L. XIM Soriol. Donc, XIM, très soulignement, Soriol. C'est encore une fois pour se démarquer. Correct. C'est bon. Ben oui. Parfait. Donc, pour nous rejoindre, nous envoyez vos questions, commentaires et suggestions. Vous nous écrivez à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On n'a pas de compte Instagram parce que, bon, ça me fait déjà beaucoup de choses à gérer. mais sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Au Numérique, Facebook et Google+, Objectif Numérique. Et il y a toujours la communauté Google+, photographe amateur au pluriel. Et on est à, 6850 membres, je crois. Ça continue toujours de grandir. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper, mais il y a énormément de belles photos qui sont publiées là. Très intéressant. Donc, des gens très sympathiques aussi avec qui j'ai discuté avec certaines personnes. Et voilà. Des gens passionnés, souvent des amateurs, des débutants, mais qui ont envie d'en apprendre plus, d'en faire plus en photo. Alors voilà, au prochain épisode, on va vous parler des types de viseurs et... Je vais vous poser la question, vous pourrez y réfléchir d'ici là. Est-ce que les outils, les appareils photo et tout ça sont en train de détruire la photo? Sur ces belles paroles, mesdames, messieurs... On peut se répondre tout de suite? Ah non, on va garder ça pour la prochaine fois. Alors, sur ces belles paroles... à vos déclencheurs.